force vive de Dieu. Dieu veut te dire un secret, la grandeur, la puissance de sa vie ne peuvent être atteintes par ses créatures. Soon.